Et bonjour, bonsoir à tous les pixels, à tous nos auditeurs. Bienvenue dans ce 11e podcast entre les sites Pixel Sprite et Yellowman's World. Je suis Yellowman, Christophe, et je suis avec Cédric de Pixel Sprite et David de Pixel Sprite aussi. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Salut gamer. Alors, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau. Gros morceau, enfin, pas tant pour la taille, mais quand même. On va parler de toute l'évolution de la Game Boy et de tout ce qui a fait son succès. Et il y a du volume. Parce que la Game Boy, c'est quand même une histoire qui a... On va demander à David de donner exactement les dates. Lui, c'est un pro de ça. C'est quelle année, la Game Boy, David ? De mémoire, je dirais 82. Non. 82, non. 92 peut-être. On avance. 88 ou 90, je crois. À peu près, un truc comme ça. 90 en Europe. 90, ouais, c'est ça. Aux US et au Japon, c'est en 89. Mais c'était quand même assez impressionnant de voir arriver cette console. Parce que le marché des portables était quand même assez restreint à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la Lynx. Est-ce qu'il y avait autre chose ? La Game Gear est sortie après. Elle est sortie après. Mais il y avait surtout après, ouais. Les Game & Watch. C'était ce qu'il y avait principalement à l'époque. L'origine, en fait, les Game & Watch. Bah, oui, les Game & Watch sont le fondement de la Game Boy, si on peut dire. Bah, oui. C'est un peu là que partout. Mais bon, une fois qu'elle est arrivée, la Game Boy, elle a quand même fait très mal parce que elle avait potentiellement la puissance d'une NES allégée, à mon avis. Non, je pense qu'elle est même plus puissante que la NES, si je dis pas de bêtises. Parce que vu le nombre de portages de la NES qu'on a pu avoir dessus... C'est juste l'écran qui change beaucoup de choses. Mais justement, l'écran, c'était quand même je ne sais pas si on peut appeler ça une prise de risque ou un tour de force, d'avoir proposé un écran monochrome avec cette console portable, parce que ça paraissait bizarre au début. Même moi, la première fois que je l'ai eu en main, ça m'a étonné de voir que malgré le fait qu'on mette des cartouches dedans, ça ressemblait au départ, avec son style graphique, plus à un Game & Watch avec des cartouches interchangeables qu'autre chose. Ben, sur le plan financier, c'était pas trop une grosse prise de risque, puisque les chaînes de production des écrans monochromes étaient quand même en fin de vie. Donc, ils avaient quand même pas mal rodé la chose, notamment avec les Game Watch, avec Sharp, je crois qu'ils avaient un contrat justement pour l'exploitation des écrans monochromes. Je pense que le risque était surtout de l'accueil du public, comme tu le disais. Oui, parce que c'est vrai que ça pouvait passer à être bizarre. Mais bon, la Game Boy a tout de suite trouvé son public grâce à son line-up de lancement, qui était surtout Tetris, qui était fourni avec. Je pense qu'on peut relativement dire qu'une grande partie du succès de la console repose sur Tetris. Ouais. Un peu plus tard sur Pokémon, mais c'était plus en fin de vie. Ben, c'est vrai que Tetris... Pourtant, le jeu existait aussi sur NES et sur d'autres supports. Mais là, sur la Game Boy, il a vraiment explosé. C'est assez paradoxal. Ouais. D'une certaine manière, oui. Parce que le jeu a quand même existé sur pas mal de supports. Il n'est pas attitré à Nintendo. Même si aujourd'hui, beaucoup d'anciens joueurs le lient automatiquement à la Game Boy. Mais, Mais aussi, Tetris était un jeu... qui, la première fois que j'ai vu, me faisait aussi penser à un Game & Watch, parce que c'était le même principe, un écran fixe, quelques pixels qui changent. C'est assez étonnant. Oui, c'est le principe d'un jeu facile à prendre en main, quoi. C'est aussi, notamment, aujourd'hui, on parle souvent de casual game, mais c'était un casual game à l'époque, sauf qu'il n'en portait pas. Comme il était assez révolutionnaire, c'était un truc assez nouveau, et c'était pas titré, enfin, c'était un jeu qui était universel, en fait. Tout le monde pouvait y jouer. Et c'était étonnant d'avoir ce jeu dans le package en fait de la part des Japonais, comme eux ils sont très conservateurs en fait de leur patrimoine et toujours à conserver en fait le Japon en étant un peu faire de lance, sont développés un peu personnellement en fait. Donc le fait que un jeu russe à la base, parce qu'il a été fait par un russe, soit dans un package en fait d'une console japonaise, c'était génial quoi, c'était hallucinant pour l'époque. Et donc voilà. C'était vraiment un truc de fou parce que même moi Je ne comprenais pas en fait à quel point le Tetris pouvait avoir autant de succès. Bon, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, mais ce que j'avais constaté, c'est que même mes parents adoraient jouer à ce jeu-là. Ben oui, Oh, c'est ça. c'était... Pareil de mon côté. Donc c'était assez étonnant parce que les consoles de jeux de salon, les parents n'étaient pas vraiment attirés par ça. Mais là, sur la Game Boy, il y avait déjà le premier jeu Tetris qui pouvait attirer plus que les joueurs, je veux dire. Ben, chez certaines familles, je pense que c'est Tetris qui a le plus tourné. Oui, il y a une grande chance. Et puis, bien sûr, il y a les jeux. Moi, je me rappelle toujours dans le line-up de lancement, Super Mario Land et Batman, qui étaient vraiment très bons l'un comme l'autre. Un petit peu court pour Super Mario Land, mais Ouais, c'était bon. 35 minutes, un truc comme ça, pour finir le jeu. C'était pas Il énorme, faut un mais... peu plus de temps quand même, mais bon. Oui, c'est sûr que les premières fois que tu joues, ça met un peu plus de temps. Et une fois que tu es Oula. habitué, tu peux finir relativement vite. Ouais, une fois que tu connais les patterns, si... c'était un peu le problème de la Game Boy, en fait. Une fois que tu connaissais les patterns du jeu, ça allait vite, quoi. Mais Il faut dire que... ça a été... Après, il y a eu Zelda. Et ça, moi, c'était le gros coup de cœur. J'ai passé des heures dessus, Oui, tout quoi. de suite. Là, tu peux pas juger au pattern, quoi. Surtout que Pour un le Zelda petit Game Boy est celui beat'em que je considère, moi, comme le vrai successeur de Zelda 3 sur Super NES. Mais carrément, enfin, moi je connais Zelda avec la Game Boy, quoi. Ah non, moi non, quand même. Parce que, ben non, parce que moi j'avais pas de Nintendo chez moi. J'avais que des Sega et tout. Et mes copains, ils étaient pas non plus super riches. Du coup, ils avaient Duck Hunt et Mario, en fait, sur la NES. Et j'ai connu que ça, en fait, j'ai le truc. Mais quand j'ai eu la Game Boy, d'ailleurs, que j'ai eu par mes parents, ils avaient trouvé dans une brocante, donc assez tardivement, en fait. Bah là, j'ai découvert Zelda et puis j'avais Mario et Tetris, quoi. Enfin, les trois jeux cultes de la Game Boy. Je passais des heures et tout. Ouais. Après, j'ai piqué Gargoyles à mon frère, Gargoyles Quest, qui était aussi un jeu fabuleux. Pour une petite game, enfin une petite console comme ça, c'était énorme quoi. Moi, le meilleur souvenir que j'ai encore de la Game Boy, c'est Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Pour moi, c'était C'est le Wario, jeu non? qui a été. Pardon? C'est celui-là avec Wario? C'est celui où apparaît Wario comme boss. C'est le Ouais, jeu que j'ai trouvé, mais merveilleux. et après ils ont enchaîné avec Le le Wario Land. Wario Land. Ah, ceux-là, j'ai adoré, je les ai fait en long, en large, en travers. Ben Ça. oui. Wario, j'aimais mieux que Mario Land en fait. Je Ouais, préférais l'univers. c'est Le un jeu qui est style très de différent gameplay. aussi. Ouais. Avec Je les préférais costumes et tout. le style de gameplay en fait. L'histoire avec les chapeaux a changé et c'était assez intéressant. Mais sur la Game Boy, il y a aussi eu plein de jeux à licence. Je sais qu'on en a déjà parlé souvent, mais avec plus ou moins de succès. Mais dans l'ensemble, je trouve que les jeux Game Boy étaient relativement bons. Il n'y avait Autant pas mieux. tant de dope comme on a pu en voir arriver sur NES ou autre chose. Mais c'est surtout, moi, le fait d'avoir des portages assez fidèles de la NES qui arrivaient sur Game Boy, ça m'a assez étonné. Oh, Jurassic Park, par exemple, t'as des c'était... grosses bouses dessus quand même. Oui. Je me souviens j'ai pas eu beaucoup de jeux sur les Game Boy malheureusement. Je me souviens d'un Bart Simpson qui était quasiment injouable dessus. Enfin, Avec moi, je me Bart souviens d'un Simpson. Contra, je me souviens de jeux un petit peu spéciaux comme le... comment ça s'appelle? Le Star Trek 25e anniversaire ou ce genre de choses, mais... ou le Hudson Hawk. Dans l'ensemble, moi, j'ai quand même un très bon souvenir de cette console. Ah, j'ai des très bons souvenirs aussi dessus. C'est une console qui a marqué pas mon adolescence, mais mon enfance, on va dire. Mais surtout, elle a très bien résisté... au choc des autres consoles. Parce que, comme je disais, il y avait la Lynx qui était au même moment, qui était une couleur, enfin une couleur, oui, une console couleur, mais énorme par rapport à la Game Boy qu'on pouvait vraiment mettre dans la poche. Parce que quand on voyait la pub de la Lynx, où tu voyais un gamin qui sortait le truc énorme de la poche de sa veste, tu dis, attends, c'est pas une veste qu'il a, c'est quoi, c'est un cabas qu'il a planqué en dessous de sa manche ou quoi? Mais bon. Elle a très bien résisté pour plusieurs raisons, parce que déjà, la consommation en piles était très raisonnable pour la Game Boy. C'était 4 piles, mais elle restait quand même une bonne durée connectée. Oui, tu faisais une bonne vingtaine d'heures avec, si j'ai pas, si j'ai bonne mémoire, même Et plus. puis aussi, l'écran, malgré qu'il soit monochrome, il passait relativement bien à la lumière du jour. Oh, c'est peut-être un des petits défauts qu'on peut lui laisser, ça, les Game Boy. Mais c'est vrai que la Game Boy a commencé aussi à avoir énormément d'accessoires, dont les fameuses lampes. Et surtout, la Game Boy, je me rappelle qu'on l'a comparé à un Transformers quand on rajoutait les baffles, la loupe, la lampe, le stick qui cassait tout le temps, ou ce genre de choses. Ben, j'en ai un de ces trucs-là encore, c'est le Handy Boy. Oui. Ta Game Boy, elle triple quasiment de volume avec les trucs Ouais, stéréo. j'avais ce truc-là, mais c'était génial. T'avais les baffles et tout, le joystick et tout, c'était génial. Moi, j'en ai pété deux avec le joystick, donc j'étais un petit peu mal. Et puis, sur la Game Boy, on a vu apparaître, est-ce que c'est là-dessus qu'on peut dire qu'on a vraiment vu apparaître ça? Les premiers accessoires dédiés, en plus des gueules et tout ça. Et ça, David m'a montré qu'il les avait sous la main. Il y a, Ouais, par puis exemple, la caméra et l'imprimante. alors, Ah j'ai oui. pas la caméra, mais j'ai l'imprimante, qui est pas facile maintenant à trouver. La petite imprimante à côté et les petits rouleaux qui va bien. Voilà. Bah ouais. C'était aussi C'était génial. Ah C'est oui. en fait les Japonais, comme on le sait tous, hein, sont fans de photos. Et au Japon, en fait, il y a beaucoup de bornes télématon où on pouvait rajouter des petits stickers Oui, à les côté. En fait, Kurikura. enfin, ça s'imprimait sur des stickers et on pouvait les coller un peu partout sur ses cahiers de classe, sur ses livres, etc. Pour personnaliser un peu l'objet. Et le fait que la Game Boy soit sortie avec cet ustensile-là, c'était une révolution, quoi. Chacun pouvait le faire chez lui, dans sa chambre. Enfin, c'était hallucinant. Et ça avait un grain assez pixelisé qui rendait l'objet assez unique, en fait. Je trouvais ça assez sympa. T'as pas des mini-jeux à reconnaissance des mouvements qui fonctionnent aussi avec? Il y avait aussi un truc Il y avait des trucs je de sais photos et pas, de morphing aussi. truc. Je sais qu'il y a un jeu Pokémon qui l'utilise aussi pour les autocollants, je crois. Ouf, ça, j'en aurais pas souvenir. Ouais. D'ailleurs, les choses qu'on ignore souvent, c'est que c'est, pour l'époque, c'était une des plus petites caméras qui existait au monde. Est-ce que c'était C'est une des plus vrai, petites caméras? Oui, ouais, c'est c'est. vrai, puisque c'est juste. Ben oui, effectivement. Mais bon, il y a eu aussi les cartouches Game Boy avec un vibreur dedans, avant même que la Nintendo 64 se promène avec son vibreur ou ce genre de choses. C'était pas avec un WarioWare, ça? Non, c'était Pokémon King Ball. Ah oui, Pinball, oui. Je confonds peut-être, c'est avec le WarioWare de la Game Boy Advance. Mais il était vraiment bien ce pinball en plus. J'ai jamais joué. Mais ce qui a fait quand même le succès de la Game Boy, c'était son prix de lancement, quoi. C'est vrai qu'elle était Comparé aux assez bon autres marché. consoles, en France, elle était à 590 francs, Ouais, c'était ce qui 3000 francs revient en à Belgique. 90 euros. Et les jeux étaient vendus 195 francs, soit 30 euros, quoi. Donc Ouais, c'est vraiment c'était. pas. Quand tu sais qu'à l'époque, les jeux Super Nintendo, tu pouvais les payer 600, 700 francs. En fait, Ouais, c'était c'est le ça, ouais. prix d'un jeu Super D'un jeu Nintendo. Super Nintendo. C'est hallucinant, quoi. Et quand tu voyais tout ce que tu pouvais faire avec la Game Boy, c'était impressionnant. Le jeu en réseau, le câble Link, Ah oh oui, là, le ça comique. aussi, avec Ça, le oui. jeu, je crois que Tetris. c'était F1 Race, qui était fourni avec un commutateur 4 joueurs. Exact, ouais. C'était Ça, c'était la sympa. folie, ça. Après, Mais moi, je fallait sais. trouver du monde qui a quatre cartouches. Qui a Ben chacun oui, sa mais carte. aussi, Pokémon, on en a parlé un petit peu, mais Pokémon a aussi fait beaucoup le succès de ce fameux câble Link avec l'échange de Pokémon. Oh, c'est principalement ce jeu-là qui a fait le succès de ce câble Link, je dirais. Avec le système des deux cartouches. Oui. Ben moi, je me souviens aussi d'avoir beaucoup joué avec Dr. Mario, ce genre de choses. Ouais, Docteur Mario ou Yoshi's il y avait Cookies. Pio Pio. Je sais que j'ai fait des parties endiablées avec mon frère au Tetris où tu lâchais les blocs, ça a passé de l'autre côté, c'était rigolo quoi. Ben, C'est mais sur ce principe-là qui après a été développé Puyo Puyo, il me semble, et puis Dr Mario par la suite quoi. Tu envoyais les blocs chez le voisin quoi. mais comme je disais aussi, la Game Boy a quand même résisté aussi à l'attaque de Sega, de la Game Gear, qui pourtant était une console assez impressionnante, couleur, son stéréo, cartouche compatible Master System avec l'adaptateur, et même compatible avec, il y avait un tuner FM. Et pourtant, la Game Boy, qui reste une console pur jeu, sans autre accessoire à part la caméra et l'imprimante, et même c'était pour le jeu, a résisté à ça. Ce que moi je ne comprenais pas parce que j'étais fan de. J'avais la Game Boy, je voulais absolument une Game Gear parce que je voulais avoir les jeux en couleur qu'il y avait dedans, dont Sonic et dans ce genre de choses. À mon avis, tu te penches sur l'autonomie des deux consoles et tu les compares et tu as une des Ouais. solutions à ce problème. Oui, ça c'est le C'est principal problème. ça. C'est ça. La Game Gear avait une consommation horrible. C'est combien? C'est pas 6 piles qu'il fallait? Oui. Oui, 6 piles. 6 Après, piles et tu jouais 2 heures, quoi. il faut aussi prendre en compte que Nintendo, la NES, est passée par là. Pour beaucoup de parents et de familles à l'époque, la NES, Nintendo, c'était principalement ça. Aujourd'hui, on aime imaginer qu'il y avait une grosse guéguerre Sega-Nintendo. Mais finalement, quand tu regardes les chiffres de l'époque, c'était surtout du marketing. Nintendo avait quasiment le monopole du jeu vidéo de salon à l'époque. Donc Sega c'était. ramassait les miettes, je dirais presque. Même si en Europe, quand même, surtout en Europe, je pense, tout ce qui était Sega a quand même bien marché. Comme disait David, lui, il était très Sega, moi j'étais très Sega aussi, j'avais Master System, Mega Drive, Après, etc. oui, Sega n'était pas un échec, mais Nintendo avait quasiment un gros monopole comparé à la concurrence. C'était beaucoup plus implanté que Sega à l'époque, quoi. Même si les consoles se valaient, hein, tout comme aujourd'hui, hein, de toute manière, ça a toujours été le cas. La Master System contre la NES, la Super Nintendo contre la Mega Drive, ça a toujours été un comparo à ça après, ce qui a fait le. En fait, pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'était les jeux, tout simplement. Ben, les jeux sur Nintendo, on sait, ils sont toujours considérés comme un peu plus, je vais pas dire cucu, mais plus tournés vers les enfants, alors que sur Sega, c'était même à partir d'un système plus adulte, Mais c'est Golden normal. Axe, ce genre de choses. Ben ouais, parce que en fait, les jeux Sega, la plupart en fait, étaient basés sur des portages arcade à la base. Ce qu'on retrouvait dans les cafés, etc. Donc, c'est sûr que c'était une console un peu plus adulte. Mais au fil des ans, quand on regarde, en fait, chacun s'appropriait en fait la licence et chacun sortait sa version du même jeu, quoi. Tu peux voir, par exemple, Street Fighter, qui est sorti déjà avec le package de la Super Nintendo. Bon, on le retrouve sur un Mega Drive aussi avec le Prime. Mais voilà, ça se vaut quoi. C'est truc. Super NES, en fait, sur ce portage-là, il était plus rapide parce que il était optimisé pour. Sur un Mega Drive, il était un peu moins bien. Mais après, il y a eu d'autres trucs. Il y Ils avait sur la Mega ont Drive, si tu veux dire ça, tu avais la possibilité d'augmenter la vitesse, ce genre de choses. Ouais, voilà. Pour moi, ça se valait parce que les jeux qui étaient. En fait, je ne sais même pas si on peut comparer ces deux consoles, mais on s'éloigne déjà du sujet là. Revenons sur la Game Boy. On a du mal à rester sur notre sujet, les gars, à chaque Non, fois. mais tout ça pour dire qu'en fait, la concurrence était vraiment sur l'objet en lui-même au niveau de l'autonomie, qui était super important à l'époque parce que on avait très très peu de batterie sur secteur, alors qu'aujourd'hui, c'est logique quoi, Standard, on c'est des batteries utilise quasiment lithium. plus de piles. Donc voilà, mais à l'époque c'était super important l'autonomie quoi. Enfin, tu joues 2 heures, ok, tu joues en couleur, mais tu joues 2 heures avec 6 piles. Enfin, Ou et alors faut surtout à avoir l'époque t'étais petit, des. c'était pas toi qui allais chercher tes piles. Tu dis maman, j'ai plus de piles, tu peux pas en avoir. Tu sais, Et quand tu t'envoyer voyais une le prix des pile quoi. piles? Je veux dire, au bout de 2 heures, bon voilà, une Game Boy tu tiens beaucoup plus longtemps quand même quoi. Et puis il faut Ben, dire que c'est ça à mon avis qui faisait la différence. La machine en soi, la Game Boy, elle est faite en béton armé aussi comparée à la Game Gear. Je le vois aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver une Game Boy en bon état qu'une Game Gear. Oui. Moi, la mienne, malheureusement, ne fonctionne plus. C'est un cadeau d'un de mes abonnés, mais malheureusement, elle ne fonctionne plus. Je suis triste. Après, la Game Gear est facile à réparer. Souvent, c'est juste des condensateurs dedans qu'il suffit de changer. C'est ça, exactement. En fait, à l'époque, la technologie des condensateurs était. Je crois que c'était un alliage nickel-ferreux, truc comme ça. Et ça, à la longue, en fait, ça ne durait pas longtemps. Il s'usait Assez vite. la longue, assez vite, quoi. Ben ouais. Et du coup, on perdait le son d'abord, et puis après, l'image devenait floue, et c'était fini, quoi. Mais bon, pour revenir un peu sur la Game Boy, ce qui a aussi commencé, il y a eu un phénomène qui a commencé à partir de la Game Boy, qui continue toujours avec les différents modèles de consoles portables de Nintendo, c'est la multiplication des modèles. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on a eu la Game Boy, le gros bloc, je crois que David, tu l'as déjà montré. Je ne sais Non, plus. je vais pas montrer. Donc, J'ai la la loupe, bonne grosse Game Boy monochrome. la petite loupe, et puis la bonne vieille Game Boy. Moi, malheureusement, la mienne est perdue quelque part dans tout mon bordel. Il faut que je Moi, elle est creuse dans pour la mes trouver. cartons. Ouais, elle Ouais. a un petit problème de son maintenant, mais bon, ça va quoi. Ça va encore. Avec le casque, ça va. Et c'est toujours pareil, c'est un problème de condensateur qu'il faut changer, mais bon. Mais moi, ce que j'ai vu après, enfin ce que tout le monde a vu, c'est d'abord la Game Boy Pocket. Donc c'est la Game Boy plus fine, avec moins de piles, plus que 2 piles au lieu de 4. Donc d'un point de vue consommation, c'était à peu près au moment où la Game Gear est sortie qu'ils ont sorti ce modèle-là. Donc pour aussi taper sur ces gars en disant, ouais, vous voulez 6 piles, nous on en fait 2 et on tient encore 2 fois plus de temps qu'avant avec les 4 piles. Et l'écran qui était d'un peu meilleure qualité, mais toujours pas rétroéclairé. Non. Puis, il y a eu une version Game Boy rétroéclairée, mais qui était uniquement disponible au Japon, au musée La des Game Boy Opéras. Light, non? La Game Boy Light. Je pense que c'était vraiment une édition super limitée qui était uniquement disponible au Japon. On ne l'a jamais vu arriver par ici. La Light en 98. Mais je sais qu'on en C'était trouve encore que au Japon. Voilà. Et je crois que c'était au musée Tezuka parce que c'était une édition spéciale. Elle était en fait les éditions spéciales, c'est Silver et Gold. Donc tu avais le Pokémon Center Tokyo, l'Astro Boy et Toys R Us. Astro Boy, voilà. Puis, Mais voilà. Et après, il y a eu donc la Game Boy Color, celle qui a encore fait plus parler d'elle parce que c'est celle qui est arrivée avec, je pense que le jeu de base, c'était Pokémon Jaune. Ouais, Pokémon mais il Jaune. faut savoir qu'en fait, elle a été améliorée, la couleur, comparée à la première, parce que en fait, sa quantité de mémoire pouvait atteindre les 8 MHz et 32 KO, ce qui à Ben l'époque était énorme. Et du coup, ça a laissé porte ouverte bah, Pokémon qui demandait beaucoup, beaucoup de ressources en fait. d'ailleurs, Pokémon, pour la petite histoire, le premier Pokémon, quand le jeu a été créé, ils avaient le choix entre pouvoir mettre 3 sauvegardes de partie ou pouvoir changer les noms. Et je me rappelle que le créateur du jeu a préféré pouvoir changer le nom de tous les Pokémon, donc utiliser tout cet espace mémoire, pour renforcer le lien des joueurs avec leur Pokémon. Et bien sûr, on sait tous que quand il n'y a qu'une seule partie de sauvegarde et que tu prêtes le jeu et que tu perds toutes tes sauvegardes, tu deviens fou. Ou Ça quand m'est quelqu'un arrivé. démarre la partie sans toi. Moi, je me rappelle que ma sœur a failli s'en prendre une quand elle m'a emprêté ma Game Boy. Ah, quoi tu joues? Ah, Pokémon. T'as pas joué avec ma partie? Oh non, mais t'inquiète pas, j'ai démarré une nouvelle partie. Quoi? Quand t'as tous les 151 Pokémon et que tu perds tout, Ouais. ça te fait chier. Et légèrement, je J'en crois sais quelque que chose. quand même. Mais bon. Ensuite, donc la Game Boy Color, qui était quand même quelque chose de costaud, on a vu arriver au moment de la Game Boy Color la Super NES. Et pour la Super NES, il y a eu un accessoire. David, tu peux le montrer, je sais que tu l'as aussi. Super Game Boy. Voilà. Donc le Super Game Boy, faut que tu dises quelque chose, David, sinon la caméra se met pas sur toi. Donc voilà le Super Game Boy qui, je crois, a une pile à l'intérieur permettait de sauvegarder ses parties Pokémon et autres Zelda, etc. Donc Une pile à ça l'intérieur, c'était. tu Et il me penses? semble il y avait 3 slots de sauvegarde dedans. Ah, Ah ça me oui. saurait dire, ça Le m'étonne premier bien. Super. Je sais que, ce que je me souviens bien, parce que je l'avais avant, mais je l'ai revendu entre-temps, il y avait la possibilité de mettre les couleurs. Donc, on avait un panel de quatre Il y avait couleurs au les choix couleurs, parmi ouais. différents. Et on pouvait Ouais. même avoir, suivant le jeu, parce que certains jeux étaient adaptés pour le Super Game Boy, un fond d'écran spécial autour de l'image du jeu. Donc, je me rappelle, pour Killer Instinct en Street Fighter 2, on avait l'image des combattants qui étaient là en arrière-plan avec le jeu qui était là, et ça donnait vraiment bien sur le grand écran. Bon, Ça, après, il je valait m'en mieux jouer à souviens Killer pas. Instinct original sur Super Nintendo, mais... J'ai toujours eu le souvenir d'avoir en fait le contour de la Game Boy qui faisait style l'écran L'écran de sur la la Game télé, Boy, oui. quoi. Ouais. Tu pouvais choisir plusieurs types d'écrans. Donc, il y avait, je crois que c'était 5 ou 6 écrans différents qui étaient disponibles dans le Super Game Boy. Et certains jeux affichaient directement leur écran à eux. Oui, notamment Parce les qu'ils jeux étaient Game Boy. adaptés. Ce qui était pas mal, je trouve. Ce qui permettait aussi souvent de passer outre le câble ligne parce on pouvait jouer directement. Enfin, non. Si on pouvait jouer en deux joueurs directement avec le Super Game Boy. Si je me rappelle bien, oui. Non, tu confonds avec le Game Boy, le Super Game Boy 2, que vous pouvez brancher un câble ligne dessus. Ah, autant pour moi alors. Ouais, parce Il a que une autre là. apparence. Il a une autre apparence, il est Là, bleu je vois clair. pas où le brancher le câble. Je sais pas, mais. Non, mais il me semblait que Ouais. si tu prenais les deux manettes de la Super Nintendo, tu pouvais jouer à deux joueurs dessus. Sur Ah oui, chaque. sans lui. Ah oui, bien sûr. Ça, je suis Ah, ben d'accord ça va, avec je me toi. trompais pas alors. Tout va bien. Mais parce que tu as une version du Super Game Boy qui est le bleu transparent. Et je crois qu'il est Ouais, sorti exact. qu'aux États-Unis, au Japon, un truc comme ça. Je crois qu'on l'a jamais eu en Europe. Non, on ne l'a jamais eu en Europe, le Super Game Et Boy tu peux 2, brancher parce le que câble Link. en Tu peux Europe, brancher. ça n'a pas fait beaucoup de ventes, en fait. Ça n'a pas été un super succès. Mais alors, au moment où la Game Boy arrivait en couleur, il y a une autre console qui arrivait qui a voulu essayer de concurrencer Nintendo sur son propre terrain. C'est celle-ci, la Neo Geo Pocket. Celle-là qui est aussi une console monochrome, qui est donc, si vous ne connaissez pas la Neo Geo, la grosse console, le truc pour riches. On en a déjà parlé dans des podcasts, mais c'était la console qui était le plus proche d'une bande d'arcade finalement. La Rolls. La Rolls, c'est le rêve de tout joueur quasiment. Et Yes. comment? J'en cherche une, hein, si. Il y a quelqu'un qui en cherche pas une? Je sais pas. Eh oui, mais c'est cher, c'est très cher. Mais comment? Celle-ci n'a vraiment eu de succès qu'au Japon aussi. Parce que il n'y avait pas grand-chose d'intéressant et l'écran était quand même de moins bonne qualité, je trouve, qu'un écran de Game Boy. Parce que les Oui, jeux sont d'accord. souvent très rapides, mais trop rapides pour ce que peut faire l'écran. Donc là aussi, la Game Boy a pu résister sans problème à ce genre de choses. Et puis, c'était pas le même prix. La Neo Geo Pocket était quand même beaucoup plus chère. Toute façon, globalement, Nintendo a rarement eu de la concurrence sur les portables. Ils ont Mais toujours. justement, j'en ai encore une autre. J'ai celle-ci, si vous connaissez. Oh mon Dieu, la nomade. Le Voilà. Mega Drive Nomade. Ça, c'est pour moi le meilleur des concurrents de la Game Boy Color, parce que c'est quand même une Mega Drive complète, portable, avec la sortie TV, la possibilité de brancher une deuxième manette, donc on joue à deux sur l'écran et c'est même jouable. 6 boutons standard, peut lire toutes les cartouches Mega Drive, facilement switchable, et en plus, il y avait aussi un tuner TV et la possibilité de mettre les cartouches Master System avec un adaptateur. Et il y avait surtout compatible avec le port d'alimentation, donc Le le Mega port d'alimentation Drive 1. Mega Drive. Et il y avait un petit support ici pour mettre les piles. On pouvait trouver des piles d'un support avec batterie dedans, mais c'était 6 piles. Et là, les piles avaient quand même bien meilleure autonomie que la Game Gear. Mais c'était pas génial non plus. Après, tu parles de Il qu'elle est sortie tardivement, quoi. Elle est sortie Ouais, tardivement et uniquement en Amérique. C'est ça le seul problème. États-Unis, ouais. Et après, tu parles de concurrence, mais aussi quand tu sais, Nomad est un peu sorti quand Sega commençait un peu à faire n'importe quoi avec ses consoles, avec tous les Ben oui. ajouts sur les trucs et tout. Malheureusement. Mais c'est dommage parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi elle n'est sortie qu'en Amérique, alors que c'est plutôt en Europe que la Mega Drive marchait le mieux. Ça a toujours été un mystère pour moi, parce que je trouve que c'est une console merveilleuse. Et pour moi, avec tout son catalogue et tout ce qu'elle pouvait faire en plus, c'était la console qui devait bien concurrencer la Game Boy. Mais le problème, c'est que Nintendo était déjà tellement installé partout. Je pense que Sega of America, la Game Boy, le rouleau compresseur Nintendo était déjà passé par là. Donc. Bah, globalement, moi, pour vivre au Québec, là, ou au Canada, Sega, c'est quasiment inexistant aussi. C'est une catastrophe. C'est difficile à mettre la main sur les consoles. Oui, mais Après, je ça me va. rappelle justement, on avait vu ça, Alpha, testeur Alpha, qui avait fait un podcast sur les consoles oubliées et qui considérait la Master System et la Mega Drive comme des consoles oubliées parce qu'il n'avait jamais vu ça. Bah, moi, j'ai une Master System que j'ai acheté ici il n'y a pas. Oui, c'est l'année dernière. C'est catastrophique pour trouver des jeux. À la rigueur, tu trouves encore des Genesis, des Mega Drive, mais passer ça, des Saturn et tout ça, tu oublies, t'en trouves pas. Encore pire pour la Dreamcast. Alors Ça, des c'est GameCube, la même je t'en chose parle même pour pas. la Dreamcast. T'en fais pas. Pardon? C'est la même chose par ici pour la Dreamcast. Ne t'en fais pas. Alors la Game Gear, je t'en parle même pas, t'en trouves quasiment pas. Mais globalement, Pourtant, de une toute façon. Dreamcast, il y a moyen. Ben Il y a voilà. moyen de trouver pas très cher. Moi, Bah. ouais, c'est sûr. Moi, j'ai Les eu jeux la de ça. mienne à 20 € personnellement. Bon, ça va quoi. Enfin, c'est pour dire, tu sais, ces gars ici, c'est ça, c'est connu, mais c'est pas autant que Nintendo, quoi. C'est pas très répandu. Ce qui explique en grande partie peut-être pourquoi la Nomad n'a pas tellement fonctionné ici. Ben ouais. Mais Ouais, c'est bon, possible. la Game Boy, ensuite, on a vu la Game Boy qui a évolué vers le modèle Advance. Donc, d'abord ce modèle-là, comme ça. Voilà, moi j'ai Et. la transparente en fait. Moi, j'en ai pas. Ah, ça, c'est une erreur. Qui était, pour moi, elle avait J'en ai le deux, même si tu problème que les autres. C'est elle était toujours pas rétroéclairée. Donc, elle marchait très bien quand tu étais avec une source lumineuse, quand tu étais en extérieur. Mais à l'intérieur, si tu n'as pas de bonne source lumineuse, tu vois que dalle. y avait un kit qui était vendu. C'était fait par des geeks, on va dire, où il Rajouter fallait un peu une barre de LED. démonter. Et il y avait comment dire, un rail de LED en fait qui devait être installé au-dessus de l'écran, qui permettait de la rétroéclairer. Ça marchait plutôt pas mal. Je trouvais ça assez sympa. Moi Ou alors, il perso, y je avait aussi la petite lampe à la con que tu peux l'ai brancher sur le port USB. Hein. C'est pas la Parce lampe avec un petit bras pour. Si, si. Ça bouffait pas les piles à fond ce truc-là. Si, si. Mais bon, ce qui était bien avec cette console, c'était qu'elle était rétrocompatible avec tous les jeux Game Boy. Donc, malgré à sa sortie, elle avait déjà un panel de jeux très conséquent sur lequel elle pouvait jouer. Et la puissance de la console était quand même revue vachement à la hausse. Quand on voit ce qu'elle tue. Ouais, faut dire que cette console avait un processeur ARM32 à 16,8 MHz et couplé avec un processeur Z80 qui pouvait supporter en fait les cartouches de jeu des premières Game Boy en fait. Donc c'était assez sympa. Enfin, c'est déjà la première console qui avait deux processeurs. Enfin. Ouais, c'était incroyable quoi à l'époque. Faut dire que la rétrocompatibilité avec le Z80, ça a permis pas mal de portages. Tout à fait. T'as quand même pas mal de consoles qui utilisaient le Z80 par le passé. Ben oui. Ben c'est pour ça qu'on a vu arriver aussi plein de portages de la Super Nintendo, comme les Super Mario, etc. Bah, globalement, moi, quand je pense Game Boy Advance, je pense automatiquement à des portages. À tout ce qui est Super Mario, les Metroid et tout ça, moi, je pense énormément à ça finalement. Oh, il n'y a pas seulement, hein. Moi j'ai quand même Oui, je quelques m'en doute jeux. bien, mais moi, quand je pense à Game Boy Advance, c'est ça qui me revient en tête. Mais par contre, une fois encore, c'était toujours un support cartouche avec les batteries et donc le problème que les batteries duraient plus ou moins longtemps. La Game Boy Advance restait une console qui était purement dédiée aux jeux. Avec la Game Boy Advance SP. Ils ont sorti un petit plug à mettre dessus pour pouvoir lire de la musique, si je me rappelle bien. Mais ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi? Parce que Ça n'a pas été poussé, c'est une console de jeu et un point, c'est tout. Ça marchait après. C'est de là qu'est apparu le chiptune. Ben C'est grâce à ce petit gadget-là, en fait. Eh oui. Mais pareillement, la Game Boy Advance était vraiment une console assez quand même balèze. Les jeux qui sortaient dessus, on avait beau dire portage ou autre, ils avaient quand même une méchante qualité. On voyait directement, c'était au minimum la qualité d'une Super Nintendo. Oui, on peut dire ça. C'était quasi ça, quoi. Et Enfin, je garde de des bons beaux sprites. sprites. Je garde des bons souvenirs des jeux que j'ai pu faire sur Game Boy Advance, notamment un Dragon Ball et un Advance Adventure. Celui-là. Ouais. Oui. J'en garde des très. Et vraiment, de toute façon, tous les consoles qu'on a citées jusqu'à présent, globalement, ça a que fait que servir à renforcer la position de Nintendo sur le marché des portables. C'est principalement pour ça qu'ils écrasent tout le temps leur concurrence. Ben oui. Mais là encore, on revient aussi avec le truc un peu bizarre de Nintendo. On va proposer un nouveau modèle. Et là, ils sortent la Game Boy Advance SP. Et là, qui, elle, est enfin rétroéclairée. Voilà. Donc c'est la même Ça, c'est console. sympa. C'est juste que là, on retrouve le système de charnière qui casse souvent. Oh, ça va, il résiste. Oui, enfin, moi j'en ai vu beaucoup décasser. Et cette fois-ci, c'était plus des piles, c'était une batterie. D'ailleurs, il y avait une version spéciale Link qui était dorée avec le super logo ici. Ouais, il y avait aussi une version Mario, une Très version. bon. Il y en avait plusieurs de versions spéciales qui étaient assez belles, il faut Je l'ai reconnaître. toujours trouvé très spécial cette console. La tribale, le truc comme ça. Mais Mais. le seul défaut que je peux donner à cette console, c'était au niveau de la jouabilité quand tu jouais avec tes vieilles cartouches. Parce que tu as en fait ça qui Prononce, dépasse. Et pour la prise en main, c'était assez chiant, je trouve. Mais faut dire que elle était quand même assez sympa au niveau de la prise en main. Et il y avait les deux petites gâchettes qui tombaient bien sur les doigts. C'était mais assez je trouve quand intéressant. même que la première Game Boy Advance avait une prise en main un peu meilleure, malgré tout. Mais, parce que en fait, elle se prenait comme Une une manette manette. de jeu, en fait, hein. C'était Bah quasiment la même taille. moi qui ai des grandes mains, pour te dire, j'ai toujours préféré la Game Boy Advance que la SP. La SP, j'ai toujours trouvé difficile à tenir. Ben oui. Mais bon. Enfin, la SP a aussi connu son succès. Mais ici, je me rappelle qu'on a vu fleurir la version tribale un peu partout. Je crois que c'est celle-là qui s'est le plus vendue. La version tribale. Tu vois de quoi Ah, je c'est parle, celle. David? Oui, c'est elle qui a les genres de tatouages dessus, non? Voilà, un peu les tatouages aînés Ouais, de. je vois. Ouais. Pour moi, je me rappelle avoir vu énormément cette console en version tribale, moins dans la version basique en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai toujours connu la bleue, en fait. Je la trouvais sympa en bleu, moi. Ben oui. Mais un truc qu'il y avait aussi avec les Game Boy Advance, c'était le fait de pouvoir. Tu avais un petit connecteur que tu pouvais mettre dessus qui pouvait permettre de jouer en réseau. Sans câble Link. Je ne sais pas si tu l'as, David, celui-là. Non, je l'ai pas. Moi, je l'ai paumé quelque part, malheureusement. Donc, c'est vraiment un connecteur que tu plugues dessus, qui se met dans le port USB et qui s'accroche ici. C'est arrondi et ça permettait directement de jouer en réseau sans avoir besoin de câble Link. Il fallait Je deux crois que Game j'ai Boy pas Advance celui-là. avec le même connecteur, bien sûr, mais c'était pas mal. On franchissait un petit peu le cap du câble. On coupait ce cap et pour moi ça inaugurait du bon pour la suite. C'était sympa. Ouais. Bah, j'ai pas le souvenir de Non? cet outil-là. Mais il coûtait assez cher ce petit accessoire. C'était quand même. Moi, j'ai toujours connu la caméra au-dessus, là. Pour la brancher, tout petit rond, comme ça, un peu en forme d'œil de grenouille. Ouais. Tu me mettais au-dessus, c'était assez marrant. Ben, c'est tout à peu près. Et la loupe qui était adaptée à la Vans aussi. Enfin, la loupe, D'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé l'utilité parce que je trouve que l'écran était assez grand, était bien détaillé. Pour moi, ça, pour la quitte à avoir une bonne Advance, source de lumière, c'était bon. c'était pas utile. Par Ouais. contre, pour la première, alors ça, c'était un Oui. must. Franchement, ça marchait super bien, quoi. Et puis, il faut pas oublier un truc qu'on pouvait faire aussi avec la Game Boy Advance, c'était l'utiliser comme manette pour la GameCube. J'allais y venir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'ont utilisé comme ça. Je me souviens de Zelda Force War, Princess, mais à part ça, je n'en vois pas d'autres vraiment. Mais, pardon? T'en as quelques-uns qui l'utilisaient comme écran secondaire. Wind Waker, je me sens que tu peux l'utiliser comme un truc pour la carte ou un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait des jeux qui, quand tu as fait le jeu GameCube et le jeu Game Boy Advance en même temps, pouvaient envoyer des choses. Par exemple, le jeu Tortue Ninja que tu avais sur la Game Boy Advance, pouvait débloquer, enfin pouvait être débloqué de quelques niveaux via le jeu GameCube. Mais c'était aussi quelque chose de très, très peu répandu. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du Super Game Boy, mais il y a eu le Game Boy Player aussi sur la GameCube qui permettait de Oui. lire le jeu Advance. Qui Enfin, permet de lire Advance les jeux Advance et Game et Boy normaux. il se mettait en dessous, en fait. Il se mettait en dessous et tu mettais tes cartouches comme un CD, en fait. Ben oui. Et je me rappelle que les premières versions qu'on arrivait étaient d'un orange flashy de ce truc, avant qu'ils arrivent avec des couleurs plus raisonnables comme couleurs des GameCube, bleu, gris, noir. Ouais. Mais bon, le Game Boy Player, c'était pas mal, ben même si j'aimerais bien en avoir un, parce que ça permettait vraiment de retrouver les jeux Game Boy Advance sur un grand écran. Et la qualité était quand même très sympa. D'ailleurs, il est aussi compatible avec les jeux Game Boy normal et les Color. Oui. J'utilise souvent le mien d'ailleurs. Ben moi, j'aimerais bien en avoir un, parce que comme ça, pour capturer des vidéos, ce serait sympa. Mais bon. Il devient de plus en plus difficile à trouver, malheureusement. Pas l'appareil en soi, mais le problème c'est qu'il fonctionne avec un CD. Et le CD est souvent perdu. Ah, ça, je ne savais pas, tiens. Mais comme je disais, le fait d'utiliser la Game Boy Advance comme manette pour la GameCube, c'était quand même quelque chose qui aurait pu être bien, parce que c'était reprendre un petit peu le principe de la Dreamcast. Donc la Dreamcast avait dans ses manettes la VMU avec un petit écran, et on pouvait voir des choses sur cet écran pendant le jeu et utiliser cette VMU à part avec des mini-jeux pour gagner, pour ouvrir des bonus ou autre chose. Et je trouvais que c'était repartir un peu sur cette logique qu'avait mis la Dreamcast. Mais ça a Le été code très vite exploité. Véronica. Bon, Code Veronica, il y avait aussi dans Zombie Revenge, dans Marvel vs. Capcom 2, dans, il me semble qu'il y avait aussi dans Shadow Man. Enfin, il y avait quand même quelques jeux qui utilisaient, pas assez non plus, Techromancer, Power Stone. Ces jeux-là utilisaient la VMU et je trouvais vraiment qu'on repartait un peu sur cette logique. Et ça aurait pu être tellement bien. Mais là, je pense que c'était aussi une erreur de Nintendo de penser pouvoir vendre des consoles comme manette d'une autre console. Je crois que les joueurs n'ont pas très très bien réagi à ça. Et surtout les parents qui achetaient les jeux. Bah, malheureusement, Nintendo a toujours pensé à accessoires complémentaires et ce genre de trucs, mais ça fonctionne pas toujours. Ben oui. On l'a bien vu avec la Wii et tous les dizaines de trucs et machins qui Mais ils sortent ont dessus. recommencé récemment, d'ailleurs, la 3DS, tu peux l'utiliser pour jouer à Smash Bros sur la Wii Ouais. Enfin, on va y arriver, on n'est pas encore à la 3DS. Revenons d'abord. Par contre, je voulais dire un truc. On avait parlé de Pokémon qui était assez révolutionnaire, mais il y avait un autre jeu qui est malheureusement n'est pas trop sorti des frontières du Japon. C'était celui-là. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas bien. C'est Solar. C'est les Super Robot Taizen. Ah, ça c'était génial! Mais c'était sorti aussi sur Super Nintendo, hein. Ouais, mais. En fait, c'était exclusivement japonais et ça jouait un peu comme le style Pokémon. Sauf que ça regroupait en fait tous les robots japonais, On avait Evangelion, Goldorak, Mazinger, Grandizer, Goldorak, Voltron, qui avait Raiden, comment? Celui qui se transforme en trois robots différents, avec Neptune, etc. Oh, il y en avait plein. Ouais, le Et Getter, robot voilà, Getter. Getter Robot. Mais moi, j'avais joué à ça. C'était un jeu d'action-stratégie à l'époque Tout à sur Super fait. Nintendo. J'avais adoré ce truc. Je ne C'était savais même pas qu'il génial. était Moi, sorti sur je... la Game Boy Color. Ah, si, si, si, si, si, si. Il y en a deux, je crois. Il me semble qu'il y en a deux. Moi, j'en ai un qui est en super bon état. Et voilà quoi. Vénard. Il y avait beaucoup de jeux de jeux de référence manga. En fait, j'ai un Macross par exemple ici. Macross, pardon. Yamato, pardon. Oui. Une des seules licences de Leiji Matsumoto qui était adaptée en console. Et en film. Oui. Oui, Et en film. récemment, il y a eu Ah, il y le a eu film Battleship Albator, Yamato. mais Non, non, pas l'Albator. Yamato. Yamato est aussi sorti en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Il était sorti au cinéma. Oui, je sais. Même avant Albator. Oui. Et il était très bien. Pour un film live, il était vraiment très bien. Moi, j'ai adoré aussi. Ouais. Enfin, voilà. Mais bon, revenons sur notre Game Boy. Une fois que la Game Boy Advance a eu la fin de vie, elle a quand même eu à lutter contre. Je ne sais plus si la PSP est sortie avant ou après la DS. Tout mis la Game Boy Micro. Ah oui, avec un micro. Excusez-moi, c'est Oh, vrai que je ne l'ai pas fait. la Advance, c'est 2003. Oui. Après la PSP, je crois que c'est Advance, il a eu 2005. la Micro, la Game Donc, Boy Micro, la micro qui était plus en petite que la Game 2005. Boy Advance, mais avec un écran rétroéclairé et de bien meilleure qualité. Et la micro, pour moi, c'est un rêve de l'avoir, parce que malgré que l'écran est petit, je l'ai déjà essayé, malgré son écran, elle est d'une qualité visuelle impressionnante. Pour moi, ils servent à Bah c'est bizarrement la Game Boy Micro a fait un succès monumental au Japon. Je crois que c'est la dernière console que Gunpei Yokoi avait fait pour Nintendo d'ailleurs. Parce qu'elle était, comme son nom, tellement petite qu'elle pouvait se glisser dans toutes les poches. La Game Boy Advance et la SP étaient assez petites, mais la micro, tu la glissais vraiment dans ta poche à côté de ton portefeuille, comme une carte de visite quasiment. Ouais, c'est une belle. Ouais, J'en en ai déjà fait, elle reprenait le format des tout premiers, je crois qu'il y a un peu plus petit, des tout premiers Game & Watch en fait. Oui. Et c'est ça qui faisait que ça passait très très bien. Je pense, ouais. Encore Gunpei Yokoi qui a quasiment designé toutes les machines de Nintendo. Ah, Christophe, on t'a perdu. Oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, je reviens tout de suite. Pour répondre à ta question, la Advance c'était 2003 et la PSP 2004. 2004 et la Micro 2005 après. Donc, Oui, donc la PSP a quand même essayé de lutter sur le terrain il y a eu un moment où ils de. étaient Ah, vous ensemble. m'avez revu? Je suis revenu, ok. Je Ouais, t'es pensais pas revenu, ouais. que la... Tiens, je pensais pas que la PSP était sortie en fin de vie de la Advance. Ben pour moi, je me souviens bien que j'étais quasi certain que c'était avant la Game Boy, la Nintendo DS, mais la PSP qui avait voulu contrecarrer un peu aussi tout le succès de la Game Boy en devenant, on avait parlé dans le podcast sur Sony, une machine vraiment multimédia. Parce que C'était ouais. Nintendo est toujours ancré dans son idée, une console de jeu, ce n'est que pour le jeu. Ah oui, bon, il y a eu des essais en accessoires sur certaines Game Boy, notamment la première Game Boy qui pouvait faire radio, un truc comme ça, avec un truc que Oui, tu rajoutais. ça marchait pas bien ce truc-là. Oui, et la Game Gear a renchéri derrière aussi. Avec la télé. Mais globalement, quand tu penses Nintendo, tu penses à une console pour jouer, tu penses pas à regarder des DVD dessus ou ce genre de conneries. Et pourtant, il y a des cartouches sur la Game Boy Advance, ce sont les dessins animés de Sonic, hein. Je connaissais pas, tu vois. Ah, si, si, si. Je suis tombé dessus totalement par hasard. Et, enfin, je ne l'ai pas ici, malheureusement, on me l'avait montré. Tu as deux cartouches. Et ce sont les premiers épisodes de la série Sonic Rush, je crois. Ce sont des dessins animés sur la Game Boy Advance. Ok. Ah, c'est aux USA, ça. Oui. Avec la série Heroes, où Oui, il y je crois que c'est avait ça, oui. tous les personnages de Sonic, dont même ceux qui étaient sur la 3DO. Ben oui, mais c'était assez marrant de voir ça parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses sur une Game Boy Advance. Vu justement que Nintendo était toujours bloqué dans l'optique juste du jeu, pas du multimédia. Ouais. Après, Ça, tu parlais c'est de la... purement américain, quoi. Tu parlais de la PSP qui faisait aussi genre de trucs, mais finalement, je crois que ça n'a pas bien fonctionné, les films sur PSP, non? Non. Les UMD, non, pas Les trop. UMD, c'était une très bonne idée. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Le problème, c'est que avec le DVD, c'était Non, mais l'époque où il y quelques-uns. avait les premiers DVD portables. Et donc, ils se sont dit, bah, pourquoi se baser en fait sur. Sur un nouveau support, alors qu'on a déjà notre bibliothèque de DVD, il y a juste à acheter un lecteur et c'est bon quoi. Ben On peut surtout. embarquer un peu partout, donc Mais c'est vrai que la surtout PSP a c'est un voulu peu aussi dommage. chérir dans les accessoires le fait de lire des films, de pouvoir être transportable plus facilement, d'avoir une batterie que justement au moment où la PSP est sortie, la Game Boy SP, Advance SP arrivait seulement avec son système de batterie, donc elle essayait de jouer là-dessus. Mais même comme ça, l'engouement des fans était trop fort pour la Game Boy Advance et pour la SP. Et puis est arrivé donc le fameux nouveau système de jeu Nintendo, la nouvelle façon de jouer avec la Nintendo DS. Et Ça a encore été là, quand même une révolution. oui, ça encore dépend. qu'on reprend le format. C'est des Game & Watch de Donkey Kong. Ouais. Et donc... Encore le premier modèle de la DS était la DS Tank, comme on l'appelle aujourd'hui, était relativement spécial à tenir en main. Ben, la DSi est juste un peu plus petite. Donc moi j'ai ici la DS Little et je dirais moi j'ai jamais voulu passer à la 3DS parce que la DS Little avait cet avantage de pouvoir continuer à lire les cartouches Game Boy Advance et Game Boy. Mais c'est Moi, vrai j'ai la que toute première, moi. J'ai la toute première, le gros tank, comme dirait Cédric. C'est plutôt sympa. ben oui, mais c'était que assez étonnant de voir que cette nouvelle façon de jouer avec l'écran tactile, le stylet et comment est-ce que j'ai expliqué, la campagne marketing de Nintendo qui était fa vraiment focalisée sur désormais le jeu, ça va de 7 à 77 ans. Ouais, ça a un petit peu commencé avec la Wii aussi. Enfin, Bah, ça a la été Game Boy repoussé, Advance est quand même sortie avant la Wii. La DS, ouais. pardon. Mais il me semble que la DS a surtout pogné au moment où ils ont sorti la DS Lite. Oui, parce que elle a commencé vraiment à. La campagne marketing a vraiment commencé à ce moment-là, où on voyait, par exemple, en France, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Docteur, je sais plus quoi, là. Oui, Kawashima. Docteur Kawashima. Kawashima, ouais. Le Avec voilà, les aides de mémoire je et l'ai tout ça. ici. Et c'est un des jeux qui est très cool, finalement, et qui est. En plus, c'est un mensonge. Tu n'entraînes pas ton cerveau pour rajeunir, etc. C'est juste, tu fais des exercices, ça permet de rester en forme, on va dire. Mais ça a tellement marché, ce truc, c'en est incroyable. Et du coup, les gens avaient envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc les personnes âgées, peut-être plus âgées, les parents, etc. Ce jeu-là, ouais, ça a marché beaucoup chez les parents. Et les enfants étaient plus Nintendogs, tout ça. Donc, les jeux un peu plus kawaii, on va dire. Oh, ça marchait bien. C'était Ben un oui. gros coup marketing, quoi. Mais surtout sur la Game Boy Advance, il y a un truc qui est arrivé, sur la Nintendo DS, un truc qui n'avait pas vraiment encore sur la Game Boy Advance ou la Game Boy tout court à part Tetris, c'est l'arrivée massive des jeux casual. Faut dire que rien que la DS Lite, le design de base est quasiment hein, pensé pour plaire à tout le monde. Le design très épuré, très carré. Ben oui, même si très fragile aussi, parce que moi j'ai la mienne qui est un petit peu cassée déjà. La charnière est vraiment le point noir de la console. Je sais, j'en ai deux et j'ai d'ailleurs une première génération aussi. Parce qu'il y a différentes évolutions. On ne le sait peut-être pas, mais la DS Lite, il y a différentes évolutions des charnières. Les premières, c'est une catastrophe. Ils se cassent pour un rien. Ouais. Malheureusement. Enfin, moi, elle Ouais. tient encore, mais... Par contre, il y a une console portable qu'on a oublié de parler et souvent qui est oubliée, la pauvre. Pourtant, c'est vraiment une tuerie, quoi. C'était la PC Engine GT Oui. et il y a l'autre version qui est la PC Engine LT, je crois. Mais là encore, ce sont des consoles qui sont exceptionnelles, qui étaient quand même beaucoup plus grosses que la Game Boy de base, mais qui n'ont pas vraiment eu de distribution en Europe. Ah non, non, quasiment pas. Il y a même la PC Engine de base, elle a jamais été distribuée en Europe. Le Je truc, comprends c'est pas pourquoi que si d'ailleurs. c'était pour les élitistes, mais ce que je trouvais génial dans cette console, parce que c'est une des seules consoles qui, la version salon, pouvait adapter les jeux en version portable. Puisque, en fait, les jeux, c'était des cartes de crédit, quoi. C'était absolument génial. C'est une console qui était. Au niveau de l'arcade et tout ça, c'était énorme. Vraiment, Avec elle a BCX, été avec avec tous écran les jeux de shoot, télé c'est vrai que c'était génial. très grande qualité. Oh, c'était super quoi. La GT en fait, elle était très grosse consommatrice comme La Game comme la Gear. Game Gear. Mais bon, ça passait quoi. C'était des jeux vraiment de qualité. Ben oui. Mais ils ont quand même fait beaucoup sur les jeux purement arcade, les shmup et ce genre de choses. Exactement, ouais. C'était, comme tu dis, une console élitiste, mais plutôt une console, pas tant élitiste, mais dédiée à un public de hardcore gamers. Je dis élitiste de par rapport en Europe ou Oui. peut-être même aux États-Unis, où c'était vraiment les connaisseurs en fait qui savaient que cette console existait quoi. Et qui même au jour d'aujourd'hui s'échange à prix d'or quoi. Je crois même plus cher que la Neo Geo. Voilà, Les jeux cherche Pocket le mot. Color, alors. Parce que la Pocket noir et blanc, on la trouve Oui, même facilement. Là où la Color, la faut te Neo dire. Geo, ouais. Ouais, que la niveau tout court. Mais oui. Mais bon, pour revenir sur la DS, c'était qu'on a donc on a la nouvelle façon de jouer qui était promouvée par Nintendo avec cet écran tactile et qui permettait donc de non seulement de proposer des jeux plus casual, mais surtout de proposer des jeux que n'importe qui peut jouer. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était de 7 à 77 ans qui est dans la publicité. Mais c'est vrai que plus besoin d'être un hardcore gamer et de connaître les touches et les fonctions et les machins, un stylet et tu fais à peu près tout avec. Il y a aussi à peu près des jeux qui ont fait à peu près tout et n'importe quoi avec cet écran tactile, malheureusement. Ben oui, ben il y avait un Wario Smooth Move, un truc comme ça qui était sur la Wii, mais aussi il y avait une version DS. Il y avait le petit micro où on pouvait souffler pour faire des choses. C'était pas mal, quoi. Façon, globalement, je trouve que dans l'évolution de la DS Lite, tu as deux ou trois phases. Tu as le début où les développeurs commençaient vraiment à vouloir utiliser ces fonctionnalités. Par la suite, tu as un peu le piratage qui s'en est mêlé là avec les cartes Oui, avec bleues. les cartes R1 et les. Enfin, les cartes R4 et ce genre de trucs. À partir de là, la console a vraiment eu un gros boom. Mais comme ils ne pouvaient plus vraiment. Comment dire, comme ils devaient créer des jeux pas trop chers pour éviter le piratage et tout ça. Enfin, je me comprends. Ils devaient créer des jeux un peu faciles qui pouvaient rentabiliser plus rapidement. Tu as commencé à avoir une gamme de jeux complètement Ouais, les trucs catastrophiques, du je casse. genre. Bah, tout ce qui est type Candy Crush, Cradle of Rome, ce truc-là. Mais il y avait quand même des jeux un peu plus éclectiques qui sortaient, du genre ça, le Guitar Hero, que je trouve franchement pas mal. Même Oui, c'est si ça. c'est assez dangereux ça, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, la façon de prendre la console avec le support Guitar Hero, c'était quand même assez chaud à prendre. Parce qu'il faut uniquement. Il faut avoir une console qui a l'entrée pour les cartouches Game Boy Advance. Et la façon de tenir la console et de jouer en même temps, c'est très tendance pour pouvoir se faire une tendinite. Moi, je m'y suis adonné pendant quelques heures, l'accessoire, je te le garantis que mes doigts l'ont senti. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le seul jeu, à mon avis, qui pourrait donner raison à tous les détracteurs des consoles Nintendo en disant oui, la tendinite Nintendo, tu avais partagé récemment un article là-dessus, si je me rappelle La bien, c'était Nintendinite, ouais. ouais, la Nintendinite, truc complètement fou, où on dit oui, c'est les consoles portables qui sont souvent les raisons d'avoir des tendinites au poignet. Attends. Faut quand même pas rigoler, quoi. Façon, globalement, on S'il a vous ça. plaît, arrête de jouer, Christophe. Pardon? Arrête de jouer, hein. Ouf. Justement, t'es blessé, à cause de ça. Ah mais je peux pas jouer pour le moment, je suis en arrêt maladie là. Et c'est pas la main, heureusement. J'ai plus de sensation sur j'ai tout mon épaule qui est malheureusement en panne. De toute façon, globalement, on associe beaucoup la DS Lite à des jeux casual, mais entre, on a quand même quelques jeux qui sortent vachement du lot, malheureusement, qui sont très peu connus. Je Bah me ouais. rappelle d'un Sound Bubble, un jeu français qui utilisait bien l'écran tactile. On a des Kirby qui sont arrivés en fin de vie de la console. Kirby. Et même dans les jeux type casual, t'avais des trucs comme les Puzzle Quest, Warlords, qui étaient pas mal, ou ce genre de choses. Oui, C'était là. C'était quelle version de la DS où on soufflait dessus? Mais déjà celle-ci, là, La celle-ci avait déjà la DS Lite. DSi, ouais, c'est ça. Mais Ça, c'était donc, intéressant aussi. bah oui, parce que Ah dans non, le le. Guitar Hero, justement, on doit pouvoir souffler sur les flammes quand notre adversaire En met la super, guitare alors en feu. tu joues déjà avec le truc, t'es Ah déjà bancal et en plus ouais, faut t'es comme souffler, ça avec c'est machin, nul. tu joues au truc. Oh Et le crier mépris. dedans faut crier rock and roll ou n'importe quoi pour que l'ampli se mette en marche. Donc, Oh, mais le micro, il n'y a rien de nouveau. C'est pas vraiment apparu avec la DSi. On avait sur Nintendo 64 déjà, même sur NES, sur la Famicom NES, on avait aussi. ouais, sur la Famicom, avec le jeu Takeshi Challenge, je me rappelle avoir vu ça sur le joueur de grenier, avec sur les manettes Famicom, il y avait le micro. Oh, tout à fait, ouais. Ça reconnaissait pas, fallait chanter et tout. C'était une vraie tuerie ce jeu. Mais comment? Et ensuite, avec la DS, l'évolution de la DS a été la 3DS. Là, pour moi, c'était. Bon, d'abord, c'était une évolution technique de la console qui devenait un peu plus puissante, tout en étant toujours compatible avec les jeux DS qui étaient sortis, mais elle proposait de la 3D sans lunettes, ce qui est une Marchait pas horreur. trop mal, c'était de la. En fait, s'il l'avait présenté assez. Comment dire Il l'avait présenté comme une 3D. Alors, quand on dit 3D, on pense à des objets qui sortent de l'écran. Mais en fait, c'était plutôt de la 3D relief, en fait. Et Oui, un mais il faut relief de reconnaître, ça marchait pas profondeur, en mal. fait, dans le jeu. Qui marchait super bien en fait. Hein, Oui, ça marchait pas mal. moi j'ai Tant que tu essayé ne plusieurs bougeais fois. pas son orientation vers l'écran. Tout à Pourquoi fait, tu ouais, c'est bouges, ça ça. marche plus. Et Ouais. moi, le peu que j'ai essayé ça me donnait mal à la tête. Le problème de la 3DS, globalement pour moi, c'est qu'elle est en 3D. Par exemple, ma 3DS, qui est un premier modèle du jour de la sortie. Globalement, j'utilise jamais la 3D, c'est aussi simple que ça. À mon avis, c'est juste une lubie qu'au moment de la sortie, ils ont voulu surfer avec la nouvelle vague de la nouvelle technologie de la 3D là. 3D sur les télé, c'est la 3D active. Dont C'est aujourd'hui, tout le exactement monde s'en ça. fout complètement. Bah est-ce qu'il y a vraiment encore des jeux, enfin des joueurs qui utilisent la 3D de la 3DS? Je ne sais pas. Personnellement, c'est un Certains jouent, accessoire. enfin, Carole Quinten, par exemple, elle le dit plusieurs fois qu'elle l'a utilisé, que ça va, quoi. Bah, Ben. globalement, de toute façon, tu as un problème dès le départ. Tu as des gens qui ça fonctionne pas, la 3D pour eux. Ouais. Mais en fait, c'est très simple. Enfin, le système qu'avait développé Nintendo pour la 3D se basait en fait sur. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait toute une vague fin des années 90, des sortes de bouquins, on appelait stéréogrammes en fait. Oui. C'était deux images. Avec une méthode en fait en louchant bizarrement sur l'image, hop, on arrivait à mêler les deux Et et ça tu donnait un avais plan en en fait profondeur. l'effet 3D en fait. Et c'était souvent basé sur les différences de couleurs. des couleurs plus claires et des couleurs plus sombres en fait. Et il y avait d'autres types après de stéréogrammes qui étaient faits par ordinateur où là c'était vraiment carrément des motifs et fallait justement faire cet effet avec les yeux qui permettait en fait de ressortir une image mais en gardant en fait la texture du motif. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer. Et c'était basé en fait là-dessus. Et d'ailleurs, il y a certaines cartes Dragon Ball qui utilisaient aussi ce système. Il y avait les Changing Cards. En fait, qui étaient des cartes luminolescentes qui bougeaient comme ça. Mais sur le revers, en fait, il y avait une image avec une A et une B, et on les mettait côte à côte, on faisait le même style avec les yeux, et hop, ça faisait un truc 3D. Et c'était hyper répandu à l'époque. Et en fait, quand la 3DS a été créée, c'était basé sur ce système-là. C'est pour ça qu'en fait, faut rester vraiment devant son écran. C'est si on bougeait, hop, il y a un décalage de l'image et putain, on voyait plus rien, quoi. Et globalement, la 3D a beaucoup desservi à la 3DS. Tout leur marketing a été basé là-dessus, et ensuite il y a eu une vague de polémiques, d'articles qui disaient que la 3D était mauvaise pour les enfants sous l'âge de Ah ouais, 7 ans, ce genre de truc. d'où la sortie de la 2DS après. Bah, la 2DS, c'est aussi pour dire de passer outre le système des charnières qui était assez bancal. Aussi. Bah, globalement, le vraiment premier modèle de la 3DS que moi j'ai, il est vraiment mal pensé. Déjà, je sais pas si tu as vu les boutons Start et Select, c'est pas des vrais boutons, c'est des trucs un peu en plastique qu'il faut appuyer. Je les trouve super mal placés pour ma part. Et les coins anguleux, tout ça, c'est pas une console que j'aime particulièrement tenir. Elle a été Pourtant. mal pensée, je trouve. Parce que notamment aussi le fait qu'il fallait rajouter un deuxième stick pour pouvoir avoir une meilleure jouabilité, c'était. Ils auraient pu le sortir directement, quoi. Ça aurait été Moi, je mieux. me rappelle que un truc amusant, il y a certains jeux qui avaient été un petit peu sponsorisés par Nintendo, où le personnage devait utiliser dans le jeu une DS. Comme par exemple Another Code ou ce genre de choses. C'est des clins d'œil un peu à la Nintendo, ça. Dans les Ouais. Pokémon, notamment, dans chaque génération de Pokémon, tu retrouves la console de Nintendo Bah oui, si je me rappelle bien, dans le Pokémon Ruby ici. Où est-ce que je l'ai? Je l'ai ici. Dans le Pokémon Ruby, tu peux jouer avec l'ordinateur pour sauvegarder tes Pokémon. Je crois que c'est une GameCube. Le dernier Pokémon là que j'ai Ruby Alpha ou Alpha Omega, je me souviens jamais des noms. XY, le dernier, non? Non, non, non, t'as Non, Ruby Alpha et c'est un remake depuis qui est le sorti. remake de Ruby Ouais. et de Saphir. Qui était Ruby plutôt Alpha et Saphir sympathique d'ailleurs. Omega. Il y en a tellement, tu sais, je m'y perds moi. Maintenant, tu joues une Wii U. De toute façon, globalement, la 3DS, je lui reproche comme la Wii U, en fait, son nom. Je comprends pas pourquoi qu'ils l'ont appelé 3DS. Les gens sont complètement mêlés après la DS. Il fallait que ce soit un nouveau nom de console parce que les gens ne comprennent pas. Pour moi, moi je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre les jeux 3DS sur une DS. Je vais prendre un parent basique. C'est la même cartouche. Enfin, c'est la même cartouche et une carte mémoire finalement parce que ils ont enfin décidé de passer sur un support un peu plus costaud en place. Mais ce n'est pas normal. Mais bon, avec la 3DS, il y avait aussi l'ouverture au WiiWare, à ce genre de choses. eShop, tu veux dire. Oui. Parce que WiiWare, c'est sur la Wii et c'était une catastrophe. Oui, ça je sais. Mais bon, on avait donc cette eShop qui permettait aussi d'avoir des petits jeux. Et bon, maintenant il y a la nouvelle 3DS, la New 3DS qui arrive. Parce que la 3DS, on avait aussi des versions normales, écran XL, machin et trucs. On avait peut-être du confort d'utilisation en plus, mais finalement, c'était des consoles qui coûtaient la peau des fesses pour trop rien. La XL coûte moins cher. Oh oui, mais globalement, on n'a pas parlé du prix de début de départ, justement, de la 3DS, qui a été un frein pour beaucoup. Oui, Elle elle coûtait était très bien. cher à l'époque. Là où la C'était pas Game Boy terrible. Advance et la Game Boy tout court étaient des consoles très Ben. abordables, la DS était quand même et la 3DS était quand même autre chose. Ben, moi, ma 3DS, je l'ai acheté 250 $. Ce qui est équivalent à une Wii U aujourd'hui, presque. C'est Ben pour oui, te dire. c'est Très ça. rapide. Quelques mois d'après, je pense, Ouais. 8-9 mois après, ils ont Faut dû la dire descendre. aussi que la Vita, qui était globalement sortie quasi en même temps que la 3DS, elle est sortie un peu après, mais elle était aussi chère, donc. Ben oui. Mais bon, la Vita, elle était vendue comme une PlayStation 3 portable. C'était exactement ça en plus. Technologiquement, c'était une C'est une tuerie. PlayStation 3 portable, Ça totalement. Mais avait... bon, la New 3DS, maintenant, c'est vrai qu'elle a des avantages, comme on en a parlé avec Smash Bros. On peut jouer avec la 3DS en même temps que quelqu'un qui joue sur la Wii U, ce genre de choses. Il y avait l'ouverture réseau avec le Wi-Fi en standard, qui était déjà avec la DS. Mais bon. T'as le NFC aussi qui est dedans. Et je pense Ouais. que c'est principalement ce qui va faire vendre la New 3DS. Ben oui, le fait New d'avoir les PSP. amiibo, même Ouais. si personne ne sait encore exactement à quoi ça sert un amiibo. Bah ça sert à rien. Bah C'est si, ça ça là. va faire joli sur ton étagère. Putain, ils sont super beaux ces amiibo. J'avoue que la figurine de Samus, j'ai envie de la prendre parce qu'elle est vraiment belle. Mais à part Ah, moi, ça. après, ça dépend des modèles aussi. Là, j'ai les ailes. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Star Fox. Je le trouve absolument sublime, détaillé et tout. Ben oui. Mais bon, quand même, avec tout ce qu'on a pu dire, on a pu voir que, de façon relativement incroyable, Nintendo a vraiment joué le rôle de rouleau compresseur au niveau des consoles portables. Il reste le leader encore maintenant. Dès qu'il a commencé, il est tombé leader et il l'est resté. Alors, il y a eu des bas et des hauts, notamment avec le 3DS là, qui a eu du mal à se lancer. Elle a du Oui, mal mais à décoller. Hein. elle a du mal à décoller, mais elle était quand même déjà implantée. La PSP n'a pas eu autant de succès que la DS. Aussi quand même. La PSP, elle a eu beaucoup de ventes. Hein. Il y a eu beaucoup d'idées reçues sur la PSP, mais elle a vraiment beaucoup fonctionné. Le Ouais, elle a problème, c'est très que bien fonctionné. la PSP a beaucoup fonctionné à cause du piratage. Oui. C'est ça le problème. En fait, ouais, c'est ça, ouais. Parce que la PSP était un très bon outil pour mettre des émulateurs, justement. Et Mais il elle a fallait très bien marché craquer à le cause de ça. firmware, il fallait. Et à ce moment-là, on pouvait aussi lire les DivX qu'on ne pouvait pas lire en standard, ou avec un programme de Exactement. transformation. On pouvait aussi télécharger les jeux, c'était plus facile, Parce enfin, que je pense qu'elle s'est pirater. vendue à presque 80 millions d'exemplaires ou un truc comme ça, la PSP. J'ai plus les On chiffres en en tête, a mais parlé la je dernière sais. fois, je ne sais plus exactement Le combien on avait. souci de la PSP, malheureusement, c'est que quand tu penses aujourd'hui à la PSP, il y a très peu de jeux qui te reviennent en mémoire. En fait, elle La s'est PSP, oh surtout. non, moi j'en ai un paquet qui me revient en mémoire. Entre le Dragon Ball Z Shin Budokai, le Parasite Eve Third Birthday, Ouais, mais il y a ou des bons jeux Patapon. dessus, je suis totalement Non, moi d'accord. j'en ai un paquet qui me revient en mémoire. J'ai Le peut-être problème j'ai de mal par contre à en trouver pour la DS, qui vont vraiment me marquer. la. Je cherche Pour la juste. DS, moi j'en connais un sacré paquet. Bah oui. Mais bon, là aussi, la DS, moi je l'ai eu sur le tard, ça fait quoi? Peut-être un an que je l'ai? Même pas. Donc. Tu devrais fouiller un petit peu parce qu'il y a de sacrées perles sur la DS. Ah, je dis pas le contraire, hein. Seulement, j'ai juste pas. Sais, comme. Dont le nom m'échappe. Arkedo qui avait fait pas mal de jeux dessus aussi. J'ai les chiffres de vente. Vas-y, tire. 75 millions d'unités depuis sa sortie. Pour la PSP ou la Pour la DS? PSP. Pour la PSP. Donc Oh là là, quand même pas mal. 15 millions au Japon, 17 millions aux États-Unis, 12 millions en Europe, 3,2 millions au Royaume-Uni. Bizarrement, elle Et n'a pas trop marché là-bas. deux PSP Go. Ouais. On va oublier cette histoire. En fait, la PSP Go, pour dire quelques mots, elle a été sortie justement à cause de ce marché du piratage et aussi le fait que les gens téléchargeaient les jeux, les passaient directement sur sa memory card et hop, ils backaient le jeu comme ça. Du coup, ils se sont dit, finalement, ils préfèrent le démat. Allez, on va sortir une PSP exclusivement des maths et L'idée puis de la ça va PSP Go fonctionner. est très bonne, hein. Moi, je suis un défendeur de la PSP Go à ce niveau-là. Par contre, le truc où ils se sont cassés la gueule tout de suite, ils ont laissé les jeux au même prix, si pas plus cher, que les jeux en boîte. Ben ouais. Ce qui est complètement aberrant. Le truc notamment aussi, c'est que si même s'ils auraient dû faire des. Même si c'est en démat, ils auraient dû vendre les jeux sur des cartes ou n'importe quoi pour les commerçants. Notamment que la PSP Go n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a eu un boycott complet des revendeurs. Ils voulaient pas de cette machine chez eux. Ouais, ils voulaient pas de cette machine. Hein, tout Bah, à parce fait. que du coup, ça leur faisait moins de ventes de jeux chez eux. C'était pas intéressant. Regarde Bien sûr. Ouais. la levée de bouclier qu'il y a eu avec la Xbox One, où on disait, ouais, il faut absolument être constamment connecté à Internet, ce sera que du démat, plus moyen de, enfin, ce sera plus moyen de prêter des jeux. Les joueurs n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce que c'était très mal expliqué. Ah, la Xbox One a été très mal expliquée. Sur le basique, bon, genre, on part un peu ailleurs, mais pour dire, la Xbox One est une très bonne console. Le concept de base de la Xbox One était une très bonne idée. Le problème, c'est qu'ils l'ont très mal marketé. Et du coup, bah, les joueurs, tout le monde a dit va te faire foutre avec ta console, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'ailleurs, enfin, moi le premier, j'ai eu une réaction vraiment austère par rapport à cette console. À dire, ah non, tiens, c'est pas possible, quoi. Ils vont nous vendre une console, déjà, elle est 100 euros plus chère. En plus de ça, On peut plus prêter de on peut jeu, on peut plus plus en acheter en prêter tes jeux, occasion. etc. Mais en fait, quand on y revient, et la plupart des joueurs ont eu ma réaction aussi, c'est que quand on revient dessus, on se dit, bah, finalement, ce qu'ils proposaient était assez intéressant, puisque le jeu, tu l'achetais, mais tu pouvais le donner à 10 personnes de ton choix dans ton entourage, ce qui fait que bah tu économisais vachement aussi par rapport à l'achat de jeu, quoi. Étant donné que tu faisais de l'échange finalement. Ben oui, Et le mais jeu, tu le gardais. par contre, Dommage. ce que les joueurs n'acceptaient pas, c'est que le marché de l'occasion est encore quelque chose de très très vivant, le prix des jeux étant ce qu'il est, je veux dire, 60% des joueurs n'ont pas les moyens de se payer un jeu neuf quand il sort. Par contre, ils peuvent s'acheter 8 ou 10 jeux pour le même prix en occasion. Ouais. Bah après, moi, ce qui me faisait vraiment coincer, c'est que de pas avoir les jeux en matérialisé, ça me dérangeait un peu, quoi. Nous sommes des joueurs, je vais le Des dire franchement, nous collectionneurs, sommes un peu des geeks et des ouais. collectionneurs. Donc nous avons envie d'avoir le support, cette chose qu'on peut toucher, qu'on peut mettre en évidence et qu'on peut montrer. Après, l'autre problème du lien de concurrence Sony-Nintendo, c'est aussi que Sony a très longtemps vu ses machines comme des produits de luxe. Le prix a souvent joué en leur défaveur aussi comparé à Nintendo. Oui. On a notamment maintenant le même problème avec la PS Vita qui n'existe quasiment pas face à la 3DS. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, ouais, c'est une super console. Enfin, la PS Ah, mais Vita, c'est. moi, j'en suis ravi, quoi. C'est Ah, mais c'est une excellente regarde, machine. ils ont vendu beaucoup de choses comme le fait de faire du cross-gaming avec par exemple Sony All-Star Battle. Plus Ben oui. personne n'en parle. Ben si, ça marche super bien. Enfin, moi, je le fais. Oui, mais plus personne J'ai n'en déjà parle. fait. C'est quelque chose qui a été marketé et puis qu'on a oublié. C'est dommage. En plus, c'est du cross-buy. Enfin, je sais pas, t'as la Le cross-buy, version oui, ça PS on en Vita, parle tu peux. encore. Mais le cross-gaming, la Vita en même temps qu'autre chose. Ben oui. Mais souvent c'était lié. Enfin, les jeux qui étaient cross-buy étaient aussi Cross-gaming, cross-gaming. oui. Donc, tu pouvais jouer sur les deux consoles. Mais ce qui était intéressant, enfin, si tu jouais en ligne, tu jouais sur ta Vita. Qu'elle soit en Wi-Fi ou en 3G, peu importe, tu jouais dans le train, n'importe où, tu jouais contre quelqu'un qui jouait avec sa PS3, enfin, c'était génial, je trouve. Ah bah, la PS Vita est une superbe machine, malheureusement, c'est presque comme la PSP, les éditeurs n'ont pas suivi. Ouais, Et je ben ouais, pense, c'est ça. sincèrement, je vais me jouer ma dernière main, mais je pense que ça va être la dernière console portable de Sony. Bon, il y a des Il chances, parce y que a des ça ne marche chances, pas apparemment. assez. C'est sûr. Mais avec l'apport de la PS4, ça a quand même un regain. Et j'espère qu'ils vont faire des jeux avec l'association de la PS Vita. Ce sera un plus. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que Sony est pas mal en train d'abandonner la PS Vita. Tu n'en entends quasiment plus parler. Il n'y a que des jeux Ouais. indépendants, dématérialisés qui sortent dessus en ce moment. Pourtant, c'est génial. Enfin, moi, je sais que ça règle pas mal de problèmes au niveau des couples. Puisque ma femme veut regarder un truc à la télé, moi je suis en train de jouer sur la PS4. Moi j'aimerais bien voir ça et tout. Bah, ok, bah je Faut switch acheter sur une la PS Wii Vita et ça marche super bien, quoi. Ben, tu sais que tu peux aussi faire ça avec la PS3 et la PSP, moi je le fais souvent. Tu Ça peux marche jouer trop à tes bien. jeux PS1 sur la PS3 en Ouais. mettant directement sur la Ouais, PSP, je l'avais et déjà tu fait as avec deux d'autres ou trois PSP. jeux que tu peux directement jouer avec la PSP Ouais. depuis la PS3. Je D'ailleurs, l'avais déjà fait là, avec la PSP. Le problème, c'est que c'était assez limité au niveau des jeux. Et surtout que Bah, tous les l'écran, jeux enfin, PS1 la passent, hein, déjà. Ça, c'est la pas un PSP problème. ne suivait pas trop. Elle n'arrivait pas à suivre le stream, en fait. D'ailleurs, C'est un pour peu en le revenir à la souci. 3DS, je trouve ça bizarre que Nintendo n'ait jamais pensé à le faire avec la Wii U, justement. Après, on va me dire, il y a le Gamepad aussi, mais bon, peut-être que la 3DS n'est Je pas pense assez puissante. qu'à l'époque, quand la 3DS était sortie, ils avaient déjà développé la Wii Ouais. Mais je pense C'est pour maintenant ça que que ça le reste. marché des consoles de portables va bientôt s'arrêter, à mon avis. Parce qu'avec tout ce qui arrive, tout ce qui est plateforme Android, iPad, C'est iPhone, le gros machin comme problème. ça, Ouais. je pense que le marché des consoles portables va arriver à saturation parce que toutes ces plateformes deviennent aussi puissantes que les consoles actuelles et proposent beaucoup plus de jeux, ont beaucoup plus de sorties par rapport aux consoles. Je pense que le problème, il y a aussi surtout du coût. Quand Oui. tu vois le prix de la 3DS et de la PS Vita, c'est assez horrifiant. Bah, Tu payes tu peux presque avoir tout. une tablette Android à partir de 39 euros, par exemple. Et tu peux déjà jouer avec beaucoup de thunes. Ouais, Même mais si ça. Nintendo. Ouais, vas-y. Même si Nintendo fait pas vraiment beaucoup la course à la puissance, tu vois qu'ils sont quand même obligés d'avoir des consoles de plus en plus puissantes, même si c'est majoritaire par rapport à la concurrence. Mais la 3DS coûte une fortune. Je sais pas si. Quand tu tournes une console à 250 pièces, qui va acheter ça? La prochaine, elle va coûter combien? 300, 350? Ben ouais. C'est. À côté de ça, t'as des tablettes, des trucs beaucoup moins chers et qui font presque mieux. Après, c'est pas le même genre de gameplay, j'en suis bien conscient. C'est pas du Nintendo non plus. Parce que principalement, quand t'achètes une portable Nintendo, c'est pour jouer à des jeux Nintendo, quoi. Ben Et oui. il y a des produits qui sont développés par nos amis les Chinois. Je parlerai d'une certaine GXD S7800B. Ça a l'air assez compliqué comme nom, comme ça, mais c'est en fait une sorte de tablette pour les gamers et qui est une très bonne console avec un support Android, Eh ben, je vais te dire, console cette Android, elle coûte tablette-là, ils en plus de 10 000. vendaient il n'y a pas longtemps dans un magasin pas loin de chez toi. Parce que j'ai Ouais, failli la prendre. mais il paraît, enfin, je peux proposer en fait d'aller voir la chaîne YouTube de Wawa qui la présente justement et la présente très très bien comme une console, une des meilleures consoles d'émulation avec en fait la plus grosse part de la console, ce qui fait son plus, c'est que elle a un gros processeur qui permet de faire tourner la plupart des vieilles consoles rétro et elle peut mettre le format 4 tiers en 16 neuvième en rajoutant des polygones. Donc en fait, il n'y a plus en fait l'effet de compression et ça rajoute les polygones manquants sur les côtés quoi. Donc c'est absolument fabuleux. Ben ouais. Et ça tourne super bien apparemment. Et pour Ben, quand tu 130 regardes euros, c'est maintenant énorme, quoi. avec la Nvidia Shield qui va sortir ou qui est sortie, qui est aussi pas mal, qui permet même de streamer les jeux Steam. Ouais, mais faut que tu sois chez toi, c'est ça que je trouve assez. Ouais, mais bon, c'est déjà, comme tu dis, quand tu veux préserver ton couple, qu'il y a quelqu'un qui regarde la télé ou qui veut aller sur l'ordinateur et toi tu veux jouer en même temps, ben, ça le fait. Moi, je prends le Mais. PC et puis voilà. Enfin, Ouais, mais en c'est le fait, PC prime. moi, je trouve pas, comment dire, assez intéressante cette console. Pourquoi? Parce que en fait, pour une nomade, t'es obligé d'y jouer chez toi. Et pour Ouais. moi, c'est aberrant, quoi. C'est un non-sens, en fait, puisque tu streames les jeux, mais il faut que tu restes à proximité de chez toi. Tu peux jouer dans le jardin, certes, mais tu pourras pas jouer avec dans le train, par exemple. C'est Bah, la assez 3DS aberrant. souffre à peu près du même problème, hein. On l'a pas parlé, mais la 3DS a une durée de vie assez faible. Selon que tu utilises la 3D ou pas, ou tout dépendant du jeu, Ouais. t'as 3 heures, 4 heures de batterie à tout casser. C'est vrai que la batterie par rapport aux premières, enfin, à la première version, la DS normale ou la DS Lite ou la DSi, la batterie est quand même moins bonne. Maintenant, on va revenir un peu justement sur la 3DS parce que on s'éloigne encore un petit peu. À Alors, votre c'est avis. toujours le portable. Hein. Ah ouais. Bah, on était censé parler de la Game Boy et de son évolution au départ. À votre avis, on va essayer de clôturer un peu le débat ici. Est-ce que, juste un instant, voilà, vous m'entendez encore On t'entend, on t'entend. Est-ce que vous pensez que la Nintendo a encore des cartouches à jouer pour sortir peut-être une nouvelle console ou comment pouvoir faire une nouvelle évolution justement avec tout ce qui est portable qui arrive, on a parlé des tablettes, le fait que la Vita marche très moyen, etc. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait encore une évolution ou une révolution de la part de Nintendo sur les marchés portables? J'en doute sincèrement. Même la 3DS, je pense que ça va être une des dernières consoles de Nintendo pour la portable. Ils vont peut-être tenter le coup avec une prochaine console portable. Mais j'ai un peu de, à moi de sortir vraiment une idée révolutionnaire du chapeau, ce que je leur souhaite. J'ai un peu de mal à croire que Nintendo va continuer longtemps sur le marché des portables. Je pense qu'ils vont plutôt se recentrer, comme ils veulent faire là avec les trucs de santé et tout ça, sur le marché qu'ils veulent un peu conquérir. Les Je pense. Amiibo? Non, non, non, Nintendo veut changer, il veut pas vraiment aller vers le truc de santé, mais vers le divertissement de santé, un peu pour aider, je sais plus, leur truc, ils avaient montré qu'ils voulaient ils veulent plus aller vers le santé, en fait, pour agrandir un peu leur truc, leur savoir-faire. Je sais plus avec qui se sont associés pour faire un truc de cardio, je sais plus trop quoi. Ouais, il y a un truc de cardio, j'ai entendu ça, ouais. Effectivement, mais je sais plus avec qui. Ils avaient déjà prévu pour la Wii un truc qu'ils ont abandonné où tu mettais ton doigt dans un support et ça prenait tes battements de cœur pour certains jeux, genre des jeux de Ça survival, et ça a été existait déjà abandonné. sur la 64. Ça existait déjà sur la 64, ça. T'as un jeu Tetris qui fonctionne avec ce truc-là et qui fonctionne à ton stress. Non, mais c'est pour dire. Globalement, je pense que l'avenir de Nintendo va être sur le mobile. Plus ça va venir, peut-être pas forcément des jeux Pokémon, Mario et tout ça, mais tu sais, comme le truc de santé, je pense qu'ils vont se tourner de plus en plus vers des applications mobiles, leur savoir-faire, tu sais, utiliser pour développer un peu des applications de tous les jours. On a longtemps aussi parlé que Nintendo avait sorti des concepts ou fait des brevets pour une montre de cardio, ce genre de truc. Je pense que c'est un Moi, marché j'avais qui la pourrait montre prendre. Zelda. Ouais, Je n'ai plus, mais c'est j'avais un la peu montre autre chose, Zelda. ça. Mais globalement, franchement, un avenir dans les portables pour Nintendo, j'y crois de moins en moins. Je Avec pense le en général que le marché des portables va s'arrêter. pour tout, ouais, pour toutes les que ce soit Microsoft, Sony ou Nintendo. Les machines deviennent de plus en plus puissantes, on a de plus en plus de mal à avoir des batteries qui durent assez longtemps et ce genre de trucs. Je pense qu'on est quasiment en train d'arriver sur la fin de cette technologie. Ben ouais. Ben, ce sera donc le mot de la fin pour notre débat. Mais il nous reste encore notre petit jeu coup de cœur à annoncer à nos auditeurs. Alors, chers amis, on va essayer de se focaliser aussi sur un jeu qui fait partie de l'ensemble Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS. Si vous permettez, je vais commencer, pour toi, avec celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Ledicia. C'est un jeu de plateforme aventure sur Game Boy Advance qui est franchement pas mal, où on peut utiliser quelques pouvoirs, où le personnage d'héroïne badass mais qui n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds est sympathique, et où graphiquement le jeu est franchement pas mal. Il permet de bien évoluer, il permet d'avoir un très bon level design, donc moi c'est mon petit coup de cœur du moment. Alors, je vais commencer dans ce cas-là, je vais suivre. Franchement, si je parle des consoles portables en ce moment, j'y joue pas beaucoup. Le seul que j'ai fait récemment qui m'a retourné le cerveau, qui m'a fait retourner Majora's en arrière. Mask. Voilà. Ah, c'est vraiment un plaisir de retomber dans ce jeu-là. Déjà que je suis un grand fan de ce jeu-là, je trouve que c'est un jeu qui est vrai, pas passé inaperçu, mais que c'est un peu le mal-aimé de la série Nintendo, de Zelda. Ben c'est le plus sombre. Ouais, surtout le système des 3 jours là qu'il faut continuellement répéter. C'est vraiment un jeu de coup de cœur pour ma part. J'en garde bons souvenirs et là, le pouvoir le refaire sur 3DS, surtout un mois avant de sa sortie. j'ai pu pas mal le retourner pour justement pour le critiquer pour Pixel Sprite. Et c'est un plaisir de retomber dedans. Surtout que le jeu est très joli sur 3DS. Ils ont vraiment redesigné le jeu. T'as des détails en plus qui ont apparu. Et l'aventure est vraiment géniale. Pour moi, c'est vraiment un. Si on a une 3DS, c'est vraiment un jeu à ne pas passer à côté. Surtout si on ne l'a pas fait à l'époque. Ah, on a perdu David. Il est parti chercher le jeu qu'il veut nous montrer, je parie. Il faudra parier le connaissant. Ah, je pensais que je l'avais là, mais je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Pour moi, bah, comme j'avais parlé la dernière fois de Gravity Rush, qui reste quand même mon coup de cœur tout confondu en portable, je vais vous montrer celui-là. Sur le portage Game Boy, Donkey Kong. le Donkey Kong Land. Il était très bon en fait sur Super NES, mais j'ai pris une grosse claque en fait sur la Game Boy qui ce jeu-là en fait a repoussé ses limites jusqu'au maximum et toujours avec la fabuleuse texture de Rare qui avait développé un peu un simili 3D quoi, qui se ressent en fait sur la Game Boy bizarrement. Même avec un écran LCD, c'est absolument fabuleux. Donc voilà. Et pour finir, je voulais parler de ce petit bouquin chez Pix and Love, la Bible Game Boy. Moi, j'ai la version collector avec le petit Lumino Zelda. Il existe en Mario et en Pokémon, je crois, et il y a la version normale. C'est un bouquin absolument fabuleux qui reprend toute l'histoire de la Game Boy et tout son catalogue détaillé avec des petits résumés pour chaque jeu, date de parution, développement, etc. quoi. C'est un truc à avoir, vraiment. Voilà. Dans le même style, je vous conseille largement de vous jeter aussi sur la biographie de Gunpei Yokoi, aussi aux éditions Pix and Love, Tout qui est à né fait, à ouais. Rennes. Ouais. C'est un des Absolument, créateurs de ouais. la Game, c'est un des créateurs de la Game Boy, mais pas seulement des Game & Watch, le Virtual Boy, et ainsi de Ouais. suite. C'est Écrit par vraiment. Florent Gorge, je crois. Oui, c'est une traduction d'une version de la Voilà. biographie officielle. C'est un super bouquin. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la Game Boy, en attendant le quatrième tome de l'histoire de Nintendo qui justement parlera des Game Boy, Virtual Boy et tout ça de Florent Gorge, Qui est c'est bientôt, top. en route. Il arrive. J'espère, ça fait un petit bout de temps De qu'on a. sources sûres, il arrive bientôt, je crois, d'ici quelques mois. Je l'espère. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast, les amis. Je pense qu'on a encore fait, on a encore été très, très volubile, beaucoup de détails, et surtout, on aime toujours autant changer de sujet. Beaucoup d'hors-sujets, comme toujours. Voilà. Et ben, sur ce, on va vous laisser. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à tous les autres qui nous suivront en différé. Et bonsoir à tout le monde et à la prochaine pour le prochain podcast. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Merci, à la prochaine.